chien errant sur cette terre. Le Saint-Bernard sauve des vies qu'il va chercher même sous la neige. Le Labrador prête ses yeux aux non-voyants pour trouver leur repère. Cherche à retrouver